Alors, ce soir, le programme, on rentre dans le vif des techniques, donc du comment on s'y prend pour mener une recherche et pour aller chercher l'information. Et on va commencer par des techniques plutôt du côté qualitatif, en particulier celles liées à ce qu'on appelle l'entretien de recherche et son cousin, le focus group. C'est un cours qui va se donner à deux voix. Mes cadeaux. La mienne est celle de Sylvie Carbonel, qui est, je vous l'avais présentée en fait dans le premier cours, qui est chargée d'exercice pour ce cours de méthode de recherche en information en communication, anthropologue de formation et spécialisée justement dans les techniques liées à l'observation participante et particulièrement à l'entretien de recherche. Donc on va consacrer la grande majorité du cours à voir ensemble ce qu'est l'entretien, dans quel cas on l'utilise, comment on l'utilise. Et en fin de cours, je vous donnerai les consignes détaillées pour le travail individuel que vous devez remettre le 27 mars dans la séance en fait ici du cours. Vous avez en ligne dans l'UV aussi un document type, en fait, un document modèle qui vous servira à réaliser le travail. Donc en fait, les consignes que je vais vous donner ici dans le sein du cours, vous aurez à les appliquer au sein du document qui est en ligne dans l'UV. Donc ça, j'y reviendrai en fait en deuxième partie. On prendra en fait les dernières 15 minutes pour faire le point, sur les consignes, les attentes et aussi voir ensemble si vous avez des questions. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on s'intéresse aux techniques qualitatives. En fait, s'intéresser aux techniques de recherche, c'est penser aux étapes, aux outils en fait, qu'on va utiliser pour élaborer une stratégie méthodologique. C'est la fameuse question qu'on vous posait notamment dans la fiche de proposition de mémoire que vous deviez remplir en décembre. Quelle stratégie méthodologique allez-vous élaborer? Donc, quels sont les moyens que vous allez utiliser pour répondre à votre question de recherche? Le but, c'est donc de voir quels sont les outils les plus pertinents, les plus adéquats, en fonction de vos objectifs, selon que vous êtes plutôt dans une démarche hypothético-déductive, donc vous voulez vérifier la validité d'une hypothèse, ou selon que vous êtes dans une démarche qui est plutôt compréhensive, c'est-à-dire plutôt inductive, qualitative, où vous voulez donc mieux comprendre ou explorer un phénomène. Donc il y a plusieurs étapes lorsqu'on élabore une stratégie méthodologique, qui sont préciser les concepts, ça c'est ce qu'on fait aussi lors de la problématisation, etc. On en a déjà parlé, et également lors de la construction du cadre théorique la semaine dernière. Il faut aussi identifier il y a vraiment des interférences en fait dans la salle. Merci. Il faut aussi identifier l'échantillon ou le contexte ou le terrain sur lequel on va travailler, le type d'article, le type de personne qu'on va interroger, etc. Et ensuite, on élabore les outils de recueil des données. Ces fameux outils qui sont justement questionnaire, analyse de contenu, analyse de discours, etc. Donc aujourd'hui, on se concentre sur des outils qui sont plutôt qualitatifs, c'est-à-dire qu'on est dans une approche que l'on nomme inductive. Monsieur avec les lunettes et le petit bouc et sa collègue à côté qui est en train de discuter en plein milieu. Oui, c'est vous en fait. Vous aviez des questions sur le cours? D'accord. Mais si vous en avez, vous pouvez les poser. Sinon, voilà. Donc, la démarche qualitative, justement, elle repose sur un mouvement intellectuel qui va du singulier au général, du particulier au général, de l'empirique, c'est-à-dire du concret, de phénomènes concrets, à une abstraction, un développement théorique. L'objectif du qualitatif, c'est de comprendre un phénomène. Donc, on n'est pas dans la vérification d'hypothèses, on est dans une démarche qui vise donc à explorer et à pouvoir en fait comprendre ce qui est en jeu dans une situation. On veut donc explorer, définir les caractéristiques de notre objet de recherche. On veut mieux le connaître. Pour cela, dans les outils qualitatifs, les techniques qualitatives, il y a plusieurs méthodes, plusieurs outils, qui sont notamment l'observation, l'analyse du discours et la famille de ce qui est lié à l'entretien de recherche, c'est ce qu'on va voir plus précisément aujourd'hui. Alors, je vais passer la main à Sylvie qui va lancer en fait un peu plus en détail ce en quoi consiste l'entretien, qui est un art de faire, comme elle va vous l'expliquer, qui repose sur des techniques particulières, mais qui a aussi des objectifs et des caractéristiques bien précises. Il y a des questions ? Oui, madame, tu veux bien. Il y avait une question ? Non. Bonsoir. Voilà, on se plonge donc vraiment dans le cœur de l'entretien de recherche. On va un petit peu le contextualiser avec d'autres méthodes d'entretien, enfin qui visent d'autres objectifs. Voilà, alors avant de commencer, j'aime bien de vous faire part de quelques références absolument fondamentales qui sont dans la bibliographie et dont vous avez un petit guide qui s'appelle « L'enquête et ses méthodes d'entretien » qui est déjà un petit peu daté, mais en fait c'est une édition Nathan 128 et qui est vraiment un super outil. Vous voyez, c'est très facile à lire, ça se vend ici à la librairie au pub. Vous le trouvez au CATNIF, à la bibliothèque de sciences sociales, CATNIF, il est en plusieurs exemplaires. Vraiment, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour votre travail. Je vous y réfère vraiment très, très volontiers. Oui, il est dans la bibliographie aussi. Voilà. Alors, un autre guide qui est vraiment très, très utile, c'est le guide de l'enquête de terrain de Stéphane Beau et Florence Weber. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, on vous en parle sans doute dans d'autres cours aussi. Si certains étudiants suivent des cours en sociaux, en Sciences Po, c'est vraiment un bouquin de référence. Voilà, j'ai fait la pub. Voilà. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit que l'entretien, c'est un art de faire ? En fait, l'entretien, ça paraît très, très facile. L'entretien, a priori, tout le monde est capable de poser des questions sur un sujet, d'écouter les réponses, et puis de mener, je dirais, un échange, une discussion. Mais ce n'est pas si simple que ça, en fait, parce que si poser des questions, ben, ça relève, je dirais, de compétences sociales tout à fait classiques. L'entretien de recherche en soi est un petit peu plus problématique qu'il n'y paraît. Parce que, en fait, l'information que vous recueillez, qui va être analysée, qui va viser à construire de la connaissance, elle repose essentiellement sur une interaction, sur une relation sociale entre vous et votre interlocuteur. Hein. On parle vraiment ici de l'entretien en face à face. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans toute relation ? Et toute relation met en jeu des affects, hein, il y a une dimension psychologique dans les relations, il y a des affects, il y a aussi des forces sociales en présence, il y a des rapports sociaux. Vous êtes étudiant, vous allez peut-être interroger un directeur d'entreprise, vous êtes issu d'une certaine classe sociale, vous avez une certaine manière de vous habiller, de vous présenter, votre interlocuteur aussi. Vous faites des idées sur ce que votre interlocuteur pense ou est, et lui-même se fait aussi des idées sur ce que vous êtes. Et donc, le discours qui va être produit, il est complètement influencé, dépendant de ces relations sociales, de cette interaction sociale. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une des grandes spécificités de l'entretien. C'est que on ne va pas pouvoir, si on souhaite être un peu rigoureux, être un peu professionnel, faire complètement abstraction de ces conditions de réalisation, de ces affects, de la relation sociale. On va donc essayer de les identifier et en tenir compte dans l'analyse du matériau produit. D'accord ? Dans la production des résultats. Et ne pas tenir compte de toutes ces conditions sociales de l'interaction, ce serait vraiment faire preuve d'une naïveté méthodologique. Mais on reviendra assez largement, je vous donne un petit peu le ton de l'exposé. Donc, si l'entretien permet de recueillir une information, je dirais sans trop de difficultés a priori, pour peu qu'on ait ses compétences sociales de base, il s'agit que l'information qu'on recueille soit de qualité. Alors, on va avoir l'occasion de définir et de discuter des critères de qualité d'une information. Et pour que cette information soit de qualité, eh bien, en général, on estime, même si certains sont très doués pour ça, qu'il vaut mieux ne pas trop improviser. Un entretien, ça demande une préparation. On se prépare, on construit a priori son objet, hein, on essaie de se documenter sur son objet, on prépare un guide d'entretien, on réfléchit aux conditions de réalisation qui vont être les plus propices pour qu'un entretien marche bien, pour donner envie à l'interlocuteur de raconter ce qu'il a raconté, pour qu'il soit à l'écoute aussi de ce que de votre question de recherche, qu'il comprenne un petit peu ce que vous attendez de lui. Il s'agit pour recueillir cette information de qualité, finalement, de développer tout au cours de votre enquête une réflexivité. Ça, c'est un mot qui reviendra aussi régulièrement, une réflexivité sur votre démarche. Au moment de la préparation de l'entretien, je dirais la préparation de votre enquête, la préparation de l'entretien, le moment même de l'entretien, et puis a posteriori dans l'analyse. D'accord ? Et donc, la rigueur, c'est tout ça qui fait la rigueur de l'entretien, et donc cette rigueur, ça n'est pas tant l'application technique, d'accord ? C'est au-delà de l'application technique, bien sûr, il y a des techniques, il y a des choses à faire, à ne pas faire, à éviter, il y a des manières de faire. Mais au-delà des techniques, la rigueur, la qualité de l'entretien vient de la réflexivité sur la démarche, c'est-à-dire le retour critique sur le processus que vous mettez en œuvre, c'est-à-dire la réflexion. Il s'agit toujours de s'interroger sur ce que vous êtes en train de faire, de produire, de dire au moment où vous le faites et dans votre analyse. D'accord ? Donc voilà, ça c'est vraiment un point important, c'est que la rigueur ne relève pas de technique, mais de cette réflexivité. Et donc on vous encourage à essayer de la développer. Ça s'apprend par la pratique aussi. Et donc l'idée de ce cours, c'est de vous sensibiliser à cette vigilance méthodologique. D'accord ? Donc cet art de faire dont on parle, ben, c'est pas qu'un savoir-faire. Oui, il y a du savoir-faire, mais il y a du feeling, il y a de l'intuition. D'accord ? Certains vont être plus à l'aise dans l'entretien que d'autres. Certains vont savoir mieux rebondir que d'autres. Et donc, c'est vraiment en pratiquant et en réfléchissant sur sa pratique, à sa pratique qu'on devient, je dirais, de plus en plus compétent, de plus en plus performant. Voilà. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que les résultats de vos entretiens ne vont pas être indépendants. Donc, le discours que vous allez faire dire à vos entretiens n'est absolument pas indépendant des conditions sociales de la réalisation, donc de la production des entretiens. Ok ? Est-ce que ça va comme petite introduction ? Je vous mets un petit peu dans le bain. Alors, l'idée est donc ici de vous donner quelques outils pour pouvoir réaliser ces entretiens, c'est-à-dire réfléchir comment, et vous donner quelques pistes, pour savoir, tiens, comment est-ce qu'on élabore une grille d'entretien ? On dit une grille d'entretien, on peut aussi parler de canevas. Hein, comment est-ce qu'on s'y prend finalement ? Est-ce qu'on écrit comme ça une suite de questions ? Comment est-ce qu'on structure ? Est-ce qu'on commence par certaines questions plutôt que d'autres ? Comment est-ce qu'on s'y prend ? Qui est-ce qu'on interroge ? Est-ce qu'il vaut mieux Monsieur X, Madame Y, sur quelle base s'orienter ? Comment est-ce qu'on sollicite les interlocuteurs ? Est-ce qu'on leur envoie un mail, on leur téléphone ? Tout ça a un effet aussi sur la manière dont les gens vont accepter ou pas, et répondre ou pas à vos questions. Comment est-ce qu'on présente son objet d'étude ? Hein ? Est-ce qu'on dévoile ses hypothèses ? Est-ce qu'on présente de façon générale, particulière ? On va aborder tout ça. Comment est-ce qu'on négocie le cadre d'une rencontre ? Hein ? Comment on se donne un rendez-vous finalement ? Comment on gère l'enregistrement ? Ça, c'est un élément qui concerne la préparation. Et puis, le second élément, c'est au moment même de l'entretien. tout n'est pas fait quand vous avez votre liste de questions et que vous, vous êtes en situation concrète au moment de l'entretien. À ce moment-là, il se passe beaucoup de choses. Votre interlocuteur réagit, vous-même, vous pensez à de nouvelles choses, ce qui vous dit, vous amène à éventuellement ouvrir de nouvelles pistes. Et donc, comment vous accompagnez finalement le déroulement du discours de votre interlocuteur en cours même d'entretien ? Tout ça est important et voilà pourquoi tout cela relève de l'art de faire. Une chose qui est importante à comprendre, mais vous avez eu ça au début du cours, hein, par rapport aux positions épistémologiques, ici dans cette logique, on est vraiment dans une forme de, je dirais, le terme compréhension est aussi très important, de sociologie compréhensive. C'est important de sortir d'une vision positiviste de l'entretien, hein, considérer que les mots seraient des choses et que interpréter les mots indépendamment d'un contexte d'énonciation serait une attitude positiviste. Donc il s'agit vraiment, pour pouvoir comprendre les propos de quelqu'un, c'est de les contextualiser et de se rendre compte qu'effectivement, la manière dont on a posé des questions, la manière dont les gens répondent, est à mettre dans un contexte. D'accord ? Alors, l'entretien est vraiment une méthode courante. Excusez-moi, j'ai trop chaud. Je vais vous Donc l'entretien, c'est vraiment une méthode d'enquête très courante. Hein. Elle est très largement utilisée dans les sciences sociales, en psychologie, en sociologie, en anthropologie, dans les métiers du social aussi, et puis évidemment dans les métiers de la communication. Il existe de nombreux types d'entretiens qui ont des objectifs différents. Donc le type d'entretien qu'on va mener va dépendre du type d'objectif à atteindre et aussi de l'usage qui va en être fait. Ici, on va se centrer sur l'entretien scientifique, hein, des fins scientifiques, des fins de connaissance, mais il existe, et bien sûr, vous êtes les premiers concernés par ce type d'enquête, des entretiens journalistiques. Alors, les entretiens journalistiques, la différence que je fais, c'est que ce sont en général des entretiens de courte durée et qui visent à être directement utilisés pour être ou transmis dans les médias, éventuellement mis en forme dans un journal, hein, dans la presse écrite, mais parfois utilisés, coupés en petits morceaux dans des séquences radiophoniques ou alors des entretiens qui sont filmés et donc destinés à être coupés en petits morceaux et être utilisés à des fins, je dirais, de présentation directe. Donc ici, on n'est pas dans le cadre de l'entretien journalistique qui relève, évidemment, je dirais qui peut le plus, peut le moins. Il y a les mêmes difficultés aussi dans l'entretien journalistique, mais l'entretien journalistique n'a pas cette vocation à faire l'objet d'une construction, à s'inscrire dans la construction d'une problématique et une analyse approfondie. On peut peut-être en rediscuter si ça peut être peut-être nuancé dans certains types de journalisme. Et d'ailleurs, c'est fréquent que des gens disent « moi, je ne veux plus être interrogé par des journalistes parce que j'ai l'impression qu'on déforme mes propos ou qu'on a décontextualisé ce que je voulais dire ». Vous entendez souvent, parfois les politiques se défendent un peu facilement comme ça, mais en disant « peut-être j'ai dit ça, mais je voulais dire ça, on m'avait posé telle question, je me sens piégée ». Voyez, ça c'est certains biais ou certains travers de l'entretien journalistique. Donc dans l'entretien de type scientifique, on essaie effectivement de rendre compte de la parole des gens, vraiment de rendre compte de la signification de ce qu'ils veulent dire et de déformer le moins possible les propos des gens. Alors, il y a des enquêtes sociales aussi. Hein, l'entretien est utilisé par des assistants sociaux qui veulent un petit peu connaître votre situation, voir si vous avez accès à des droits, des enquêtes policières, des enquêtes, un entretien chez un médecin, c'est autre chose. Il essaie de faire un diagnostic, un entretien d'embauche, c'est aussi un autre type d'entretien. Donc il existe une quantité de types d'entretien dont l'objectif peut être thérapeutique, objectif de persuasion, parfois de manipulation, objectif de contrôle ou simplement, je dirais, d'orientation dans le cadre d'entretiens sociaux. Donc voilà, ici on est vraiment dans l'entretien de recherche visé de connaissances scientifiques et en particulier, comme Nadège Cousteau le disait, de compréhension d'une certaine réalité sociale. Alors, vous avez déjà eu un cours sur le questionnaire, hein? Non, c'est la semaine prochaine, je me trompe. Eh bien, la semaine prochaine, on fera bien la différence. Oui, désolé, j'ai un petit shift de programme. Eh bien, vous allez voir que cette méthode se distingue vraiment très amplement de la méthode par questionnaire, dans la mesure où l'entretien, en fait, se fonde sur une relation beaucoup plus égalitaire. C'est aussi une notion importante à saisir. C'est beaucoup plus égalitaire entre l'enquêteur et l'enquêté. On essaie de se mettre au niveau de l'enquêté, d'accord ? On essaie de ne pas lui imposer sa vision du monde ou sa manière de construire certaines réalités. On essaie de se mettre à son niveau pour le faire parler, pour comprendre la manière dont lui voit les choses. Et pour ça, effectivement, dans l'entretien, on adopte plutôt une position, je dirais, d'empathie. On va essayer de ne pas être dominant, de se mettre au niveau de son interlocuteur. Et dès lors, voilà, de nouveau, ce type de relation modifie véritablement le type d'information qui est produite, puisqu'on va laisser le temps à son interlocuteur de développer ses propres propos en fonction de sa propre manière de voir les choses, de ses propres analyses, voilà, de la réalité sociale qu'on essaie d'investiguer. Et donc, on n'est pas dans, on n'essaie pas de recueillir des réponses ponctuelles, hein, des réponses factuelles, mais plutôt ce qu'on appelle des réponses discours. Hein. Et on parle aussi plutôt de co-construction, parce que finalement, l'entretien peut être aussi infléchi en fonction des propos et des intérêts de votre interlocuteur. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle plutôt de co-construction dans l'entretien de recherche. Voilà. Alors, c'est vrai que l'entretien dans les méthodes de recherche, je dirais en sciences humaines en général, eh bien, il a été longtemps décrié par manque de rigueur scientifique, justement, parce qu'il était considéré comme le discours des interlocuteurs était considéré comme empli de biais qu'on ne pouvait pas contrôler, et donc pendant des années, encore au début du XXe siècle, l'entretien était disqualifié comme méthode scientifique. Mais de plus en plus, il a regagné du terrain, depuis notamment l'école de Chicago, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il a regagné du terrain, il a été relégitimé, il a retrouvé une légitimité pour sa capacité à rendre compte de la réalité des acteurs sociaux. On s'est rendu compte que finalement, c'est peut-être moins la réponse que les gens donnent à des questions qui est importante pour comprendre le social, que les propres questions qu'eux-mêmes se posent sur le social, ou sur certaines réalités, le monde du travail, l'immigration, que sais-je, l'évolution des pratiques démocratiques, etc. Donc là aussi, c'est un point important à saisir. C'est que finalement, dans l'entretien, vous avez vraiment l'occasion de voir comment les gens se situent par rapport à une problématique. Ils ne sont pas juste là pour vous répondre « oui, non, je pense ceci, cela ». Ils peuvent développer leurs propos et vous rendre compte de la manière dont ils pensent, en fait. Voilà. Donc finalement, l'entretien comme méthode d'enquête repose un petit peu sur l'idée qu'il vaut mieux écouter. L'écoute est fondamentale, on y reviendra aussi dans l'entretien. Il vaut mieux écouter qu'interroger. Donc c'est clair que l'attitude que vous allez avoir avec votre propre guide d'entretien, ça ne va pas être de poser au galop une question, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Ce sera vraiment à partir de chaque question qui sera posée de laisser se déployer un discours. D'accord ? Donc la qualité, l'avantage de cette méthode sur la méthode de questionnaire, c'est vraiment d'être flexible. D'accord ? Elle a évidemment d'autres inconvénients. C'est qu'elle ne permet pas de mener des enquêtes extensives, des enquêtes sur des très grands nombres. D'accord ? Souvent, on considère qu'une enquête réalisée avec une trentaine d'entretiens permet déjà d'atteindre une certaine saturation, c'est-à-dire de comprendre, de faire le tour de la diversité de situations qui concernent une réalité sociale. D'accord ? On reviendra aussi sur cette notion, sur ce concept de saturation. Voilà. Donc, en résumé, ce dont on parle ici, c'est vraiment un entretien qui est sollicité par un chercheur. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous voir avec ses propres questions. C'est vous qui sollicitez votre interlocuteur au profit de votre communauté, la communauté scientifique, la communauté, le monde de la communication, hein, pour répondre à une question que vous vous posez. Et donc, l'entretien constitue une exploration. Je continue ? Oui, ça se suit toujours. Voilà. Donc, j'ai déjà dit un petit mot sur ce qui distingue l'entretien du questionnaire. Voilà quelques mots-clés, hein, co-construction, j'en ai déjà parlé. Enquêteurs et enquêtés sont en fait des partenaires, hein, les enquêtés ne sont pas des répondants passifs, hein, on n'est pas du tout dans la logique des survey interviews, hein, dans lesquelles finalement les enquêtés sont, oui, relativement passifs, donc on ne leur laisse pas la possibilité de développer leurs propos. Ici, les enquêtés sont... Je parle assez fort, ça va ? Les enquêtés, parfois, comme je le disais, infléchissent le sens de l'entretien. Ils sont donc vraiment considérés comme des partenaires, des co-constructeurs du discours qui va être produit. D'accord ? Donc, dans les entretiens, on construit des discours. Et on fait plus que répondre à des questions. D'accord ? Donc, on crée ensemble le cadre de la discussion. C'est vraiment une différence importante. Dès lors, troisième point, c'est que un entretien ne va jamais être le même qu'un autre. Vous voyez, ils vont pas être. On va évidemment comparer des thèmes, des types de réponses ou de perspectives par rapport à des questions qui ont été posées, mais on ne va pas comparer des réponses d'entretien terme à terme. Et donc l'entretien permet vraiment de singulariser les questions, de singulariser les réponses de l'interlocuteur et d'être personnalisé. Et ce qui va permettre d'être beaucoup plus riche, d'accord, d'être beaucoup plus articulé, d'être beaucoup plus connecté avec la manière dont l'interlocuteur connaît certaines réalités, les perçoit, les pense, les analyse. Ok. Voilà, je continue encore. Ok. Voilà. Alors, je vais revenir sur quelques critères de qualité d'entretien, des entretiens. On ne va pas vous demander de retenir ça par cœur, ni de vous demander à chaque fois, tiens, est-ce que ce que je fais est valide ou fiable, etc. Mais vous faire comprendre, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de biais dans l'entretien, et donc un critère de qualité de l'entretien, c'est plutôt de répondre à un certain nombre de caractéristiques. Alors, une première caractéristique, c'est la validité. Est-ce que mon interlocuteur, c'est des questions qu'on se pose a posteriori, vous voyez, donc vous allez être amené à mener des entretiens pour votre mémoire, en tout cas pour le cours ici, vous pourrez vous demander après, tiens, est-ce que mon entretien... ou des fragments d'entretien, parfois il y a des morceaux qui ont plus de qualité que d'autres, est-ce qu'il est valide ? C'est-à-dire, finalement, est-ce que mon interlocuteur répond à la question que je lui posais ? Est-ce qu'on n'a pas complètement dévié le propos ? Et ça paraît un peu bébête, parce que, là, bien sûr, pourquoi l'interlocuteur, pourquoi un entretien ne serait pas valide ? Eh bien, je vous assure que ça arrive régulièrement. Lorsqu'on ne présente pas correctement la logique de l'entretien à l'interlocuteur au moment où on prend contact avec lui, il se fait parfois déjà un film, il se dit moi je vais avoir l'occasion de dire mon opinion sur ceci, cela, et puis quand l'enquêteur arrive, même un professionnel, hein, il commence à poser des questions et l'interlocuteur il l'embarque sur ce qui lui l'intéresse. Alors parfois c'est intéressant pour la recherche parce que ça ouvre une perspective, mais parfois on est carrément à côté de la plaque, vous voyez ? C'est qu'on n'a pas réussi à faire comprendre ce qu'on cherchait à son interlocuteur, donc on s'est laissé un petit peu mener en bateau par son autorité, par son pouvoir, et donc on rentre chez soi, on a une heure d'entretien, on commence à réécouter ça et on se dit « mais je ne vais rien pouvoir en faire, c'est trop à côté de ce qui m'intéressait ». Et pourtant on a été pris dans un flot relationnel, je veux dire, on a l'impression que l'entretien s'est bien passé, on a l'impression que l'interlocuteur avait plein de choses à dire, mais on s'est laissé embarquer, on s'est laissé un peu manipuler. Et je vous assure, ça n'est pas si rare que ça. Un autre critère, c'est la fiabilité. Alors la fiabilité, c'est finalement, est-ce que mon interlocuteur, est-ce que ce qu'il me dit correspond à ses pensées sincères, si vous voulez ? Est-ce qu'il n'est pas en train de me présenter la réalité sous un jour socialement acceptable, voyez-vous ? Sous un jour, par exemple, qui répondrait aux normes ou aux valeurs d'un métier. Vous voyez, un policier est censé nous tenir un discours comme ça, comme ça, comme ça. Hein, alors qu'en fait, la personne que vous avez en face de vous est en train de se présenter sous une certaine image sociale et de ne pas vous dire ce qu'elle pense véritablement. Dans ce cas-là, il peut y avoir un petit défaut de fiabilité et parfois on s'en rend compte et on est un petit peu déçu parce qu'on se rend compte qu'on recueille un discours un peu convenu, un discours sans surprise, un discours auquel on pouvait s'attendre, alors que si on se donne le mal de mener une enquête, c'est quand même pour essayer d'avoir, de connaître des choses un petit peu plus sensibles, d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance. Alors, on a indiqué qu'il y a une tension, il y a en fait une tension entre la validité et la fiabilité. Alors, ces deux critères, en fait, sont un petit peu, Jean-Pierre Olivier de Sardan nous dit, il y a un petit peu un double bind du chercheur entre ces deux critères. C'est que, si vous voulez, pour avoir un discours valide, hein, donc qui correspond à ce qu'on cherche à savoir, il faut quand même garder le contrôle sur la situation d'entretien. L'interlocuteur dévie, il faudrait lui dire bon, écoutez, là on dévie un petit peu, enfin, tout ça très poliment, très évidemment avec beaucoup de tact. Je vous propose qu'on recentre un petit peu les choses. Donc, pour avoir plus de validité, il y a intérêt à garder un contrôle sur l'entretien, mais en même temps, si plus on garde le contrôle, moins on va laisser l'interlocuteur développer ses propres propos. Hein. Et donc, on va s'éloigner de la fiabilité. Et à l'inverse, pour la fiabilité, effectivement, on a intérêt à accorder du crédit à ce que vous disent les gens. N'allez pas mettre en doute ce qu'ils vous disent chaque fois. Votre policier, là, il vous dit, écoutez, pour moi, ce qui est important quand je suis en rue, c'est ceci, ceci, cela. Vous allez pas lui dire, ah, vous êtes sûr, hein, il me semble qu'il y a peut-être une autre manière de voir les choses. Non, vous allez le laisser parler, vous allez lui accorder du crédit. Mais en même temps, c'est important de maintenir quand même une vigilance critique. Voyez-vous, donc il y a vraiment toujours une tension dans ces attitudes. Alors, la pertinence, qu'est-ce que c'est la pertinence ? Ben, c'est l'idée que, évidemment, quand on a un entretien, il vaudrait mieux que le contenu des paroles de votre interlocuteur soit relativement cohérent, logique, qu'il n'y ait pas 36 000 contradictions, sinon vous n'allez pas savoir comment l'analyser, comment finalement qu'en tirer. Et de nouveau, ce sont des choses qui arrivent. Quand on travaille sur des trajectoires de vie, par exemple, ce sont des entretiens assez longs qui brossent des grandes périodes chronologiques, ça arrive que vos interlocuteurs vous racontent quelque chose. Tiens, j'ai commencé à travailler en telle année. Imaginez, voilà, vous intéressez à la carrière professionnelle de quelqu'un, par exemple à la mobilité sociale. Comment est-ce que petit à petit il a grimpé les échelons. Imaginons, ils vous disent en telle année j'ai commencé ceci, cela, cela. Et puis, quand, au bout de votre entretien, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui tient la route. Il n'y a rien qui tient la mer. Vous n'arrivez plus à mettre de l'ordre dans tout ça. C'est un grand bazar et ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà, ça ce sont parfois des entretiens qui manquent de pertinence. Voilà. Et puis, autre critère hyper important, c'est la richesse et la profondeur. Alors ça, c'est ce qui permet l'interprétation des résultats. Hein. Il s'agit évidemment qu'un entretien, c'est ça son intérêt, ne reste pas à la surface des choses, qu'il ait du sens, qu'il apporte des éléments de compréhension aux phénomènes sociaux que vous voulez étudier. Et donc, la richesse et la profondeur, c'est ce qui va vous permettre voilà, d'aller plus loin, de sortir d'impressions de surface, de faire des connexions entre différentes réalités. Voilà. Et puis, un autre intérêt de l'entretien, c'est qu'il y a parfois, et que vous allez en mener, vous allez les retranscrire, il y a parfois ce qu'on appelle des bonheurs d'expression ou des moments de vérité. Ce sont des fragments d'entretien, des moments que vous avez presque envie de retranscrire tel quel dans votre travail, dans votre rapport, dans les résultats de votre recherche, parce que vous avez l'impression que les choses sont dites, que c'est tellement bien dit que vous-même, en tant que chercheur, vous ne pourriez pas faire mieux. Vous voyez, ça, c'est des moments de grâce dans le travail des chercheurs. Voilà, je repasse la parole à Nadia. Alors, on continue donc avec ce duo de la soirée. Les objectifs de l'entretien, on les a un petit peu abordés au départ en disant donc que ce sont des objectifs qui sont essentiellement qualitatifs. En fait, de façon plus précise, un entretien, c'est ce qui va vous permettre notamment d'aborder avec des individus ou des collectifs, dans le cas du focus group, des représentations, des attitudes, des valeurs ou des croyances. C'est-à-dire que c'est vraiment l'outil qui vous permet d'avoir le point de vue des acteurs de façon directe. C'est un outil aussi qui vous permet d'analyser des conceptions particulières, donc la manière dont justement les individus, les acteurs sociaux se représentent des controverses, des questions sociétales, des débats publics, des enjeux qui sont débattus dans la société ou débattus dans certains milieux auxquels ils appartiennent. Ça vous permet aussi comme outil d'avoir accès à des trajectoires de vie. Si vous travaillez par exemple sur la professionnalisation, des histoires de carrière ou des éléments qui ont changé dans des professions, quel que soit le secteur de la communication par exemple. Ça vous permet également d'avoir des récits de pratiques, c'est-à-dire de laisser les acteurs vous décrire comment ils font certaines choses. Par exemple, vous allez demander à un journaliste de vous raconter sa journée type. Et vous allez ensuite demander à un journaliste web ou à un gestionnaire de communauté dans un même média de vous décrire sa journée type. C'est en confrontant ces différents récits de pratiques que vous allez voir, par exemple, quelles sont les différences dans l'organisation du travail, dans la perception de la mission spécifique de chacun de ces professionnels médiatiques, dans les contraintes qui règlent leur journée, dans leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils évaluent comme étant une bonne pratique, une mauvaise pratique, etc. Mais c'est vraiment les acteurs qui vous donnent, en fait, les détails sur ce qui fait leur quotidien. Donc, ils vous livrent leurs expériences et ils vous livrent également le vécu qu'ils ont de certains événements en particulier. Comme le soulignait Sylvie, ce n'est donc pas vous qui allez en fait leur imposer certains récits et les amener à avoir une opinion sur ces récits-là, mais c'est plutôt vous qui êtes là pour recevoir leurs expériences à eux, leurs propres récits. Il y a en fait, dans la façon de mener des entretiens de recherche, des niveaux plus ou moins structurés de le faire, hein, qui correspondent à des objectifs différents. C'est-à-dire que la manière de recueillir les représentations, attitudes, valeurs, croyances, etc., va être différente selon certains objectifs de recherche que vous avez. Et ces objectifs-là de recherche vont faire en sorte que vous allez plus ou moins intervenir de façon directive au sein de l'entretien. On distingue en fait quatre types d'entretien, quatre niveaux d'objectifs qui vont influencer justement, ou influer plutôt, sur la structuration, le degré de structuration de l'entretien. On peut mener des entretiens dans des phases plutôt exploratoires, c'est-à-dire que généralement, en fait, ce sont des entretiens un peu préliminaires qui vont un peu nous permettre de tâter le terrain. Donc on teste des hypothèses, on teste une problématique, un enjeu qui nous semble que l'on a l'impression d'avoir décelé dans une situation de communication. Et on va voir, par exemple, si les acteurs sur le terrain sont eux aussi interpellés par cet enjeu, comment ils l'interprètent, et alors à ce moment-là, peut-être qu'on va remettre en question la façon dont nous on abordait l'enjeu. Donc c'est une phase un peu qu'on nomme exploratoire, une phase de pré-enquête. On peut également chercher à approfondir. Donc on a une intuition de recherche et on va mener des entretiens auprès de quelques personnes pour, en quelque sorte, aller chercher plus de détails sur la réalité des acteurs que l'on a un peu décelés. Je reprends mon exemple des professionnels de l'information. On veut étudier donc la professionnalisation des journalistes en regard à l'utilisation du web. Donc, dans quelle mesure c'est devenu être web journaliste une profession à part entière, vraiment distincte du journaliste d'enquête, journaliste radio, etc. L'approfondissement, ça va être d'aller voir plusieurs journalistes web pour voir si eux-mêmes se définissent peut-être comme des web journalistes ou plutôt comme des journalistes qui font du web, mais comme ils font de l'enquête, etc. Donc autrement dit, ils ne se définissent pas nécessairement comme web journalistes au départ. C'est peut-être vous qui, après avoir eu des lectures, etc., avez choisi de travailler sur ce concept. Mais les acteurs sur le terrain, en fait, ils ne s'identifient pas nécessairement comme ça. Donc ça, c'est de l'approfondissement, on va chercher un peu plus de détails. On peut, de façon encore plus pointue, aller essayer de vérifier des choses à partir d'entretiens, ou encore aller essayer de contrôler, c'est-à-dire de vérifier ou valider, plutôt, des résultats qu'on a obtenus par ailleurs. Par exemple, vous réalisez un sondage, donc avec un questionnaire, et vous allez distribuer le questionnaire à tous les étudiants, par exemple, de l'ULB, questionnaire en ligne, vous obtenez des réponses, vous calculez le pourcentage de satisfaction, insatisfaction, absentéisme, présence au cours, matière préférée, etc., etc. Ces pourcentages-là, il y en a certains qui peuvent vous apparaître surprenants. Par exemple, je ne sais pas, dans la discipline en physique, les étudiants sont tous absents le jeudi. C'est comme ça, il y a quasiment 98% d'absents, alors que dans les autres disciplines, ce n'est pas le cas. Ici, des entretiens de contrôle seraient d'aller interroger des étudiants en physique pour voir quel facteur, peut-être, peut expliquer ce résultat chiffré-là. Donc en fait, vous allez chercher par des entretiens à trouver une explication. Et là, on est dans une perspective qui est complémentaire à du quantitatif, donc à une mesure. Nous, ce qui nous intéresse plus spécifiquement ici ce soir, ce sont les niveaux plus larges, plus exploratoires en fait, qui sont notamment l'exploration, l'approfondissement. Donc ces niveaux, ces objectifs de recherche, ces degrés de structuration, ils se manifestent en fait dans trois types d'entretiens, enfin plutôt dans le fait qu'on distingue trois types d'entretiens. L'entretien de type non directif, que l'on appelle aussi entretien libre ou entretien en profondeur. C'est un entretien dans lequel on a un thème de recherche et on rencontre notre interviewé, on lui dit ben, « voilà, comme vous le savez, je mène une recherche sur la profession de web journaliste aujourd'hui en 2017 » et là, on va juste en fait le laisser discourir sur le thème qu'on lui propose. Donc on impose un thème, mais ensuite on laisse vraiment l'interviewé en fait raconter et on va surtout procéder avec des relances. Sylvie va revenir de façon plus précise sur cette technique-là d'entretien après, mais les relances, en gros, c'est reformuler ou appuyer sur ce que vient de dire notre interviewé pour l'amener à en dire davantage. Donc c'est, en gros, c'est ce que font aussi les psychologues ou les psychanalystes. On répète la fin de la dernière phrase que vient de dire la personne pour l'encourager en fait à en dire plus. Donc c'est une façon en fait de rendre la situation sociale un peu plus confortable. Mais c'est une manière, disons, très atténuée en fait d'intervenir puisqu'on n'amène pas d'informations supplémentaires au cœur de l'entretien. Au contraire, en fait, on utilise ce que dit l'interviewé pour l'encourager à en dire davantage. Ça, c'est ce qu'on appelle donc de l'entretien non directif ouvert ou en profondeur. On trouve ensuite un deuxième type d'entretien que l'on nomme l'entretien semi-directif. C'est peut-être le type d'entretien le plus utilisé, mais là encore, selon les objectifs de recherche, ça peut varier. Donc, ça, c'est de toute façon, ça va être le leitmotiv un peu de tout le quadrimestre, selon vos objectifs de recherche, selon votre question de recherche, vos choix vont varier, etc. L'entretien semi-directif, on part du même principe que vous, en tant qu'interviewé, vous arrivez et vous dites à votre enquêté, voilà, je mène une recherche sur être web journaliste en 2017, et donc vous lui donnez votre thème, et là vous allez de préférence en fait le laisser embrayer pour savoir ce qu'il en pense, comment il se représente les choses, etc. Sauf que, à la différence du non-directif, vous allez avoir préparé un guide avec une série de thèmes qui sont en fait une façon de distribuer ou de voir les différentes dimensions qu'inclut par exemple le concept de être web journaliste. Donc par exemple, vous pouvez avoir dans les thèmes l'utilisation du web. Donc est-ce que la personne fait, enfin ce qui veut dire donc l'utilisation du web comme outil de recherche, comme outil de publication, comme outil de communication. Mais vous avez aussi peut-être le statut professionnel. Donc ça c'est toute la question de, par exemple sur sa fiche de salaire, est-ce qu'il est marqué web journaliste ou journaliste web, ou c'est écrit juste journaliste ou pigiste sans nécessairement la spécialité dans laquelle il travaille. Tout ça ce sont des éléments en fait, des sous-thèmes finalement, sur lesquels vous allez pouvoir questionner ou sur lesquels vous allez guider votre interviewé pour en fait essayer de ne pas oublier ou de ne pas passer à côté de dimensions qui vous intéressent. Donc, vous intervenez en fait en essayant de faire en sorte que l'interviewé y réponde ou il se livre en fait sur ces différents sous-thèmes-là. Mais vous ne lui imposez pas de réponse, vous ne lui dites pas non, je ne suis pas d'accord, ou etc. Vous essayez plutôt en fait, de faire en sorte que le sujet soit couvert de la façon qui correspond le plus à vos objectifs de recherche. Donc on appelle ça semi-directif parce qu'en gros, on guide davantage l'interviewé en lui mentionnant les différents thèmes que nous on a listés. Et en fait, mais là encore, on se sert de ses réponses à lui pour l'amener à certains thèmes. On essaie d'avoir une certaine logique, comme Sylvie l'évoquera tout à l'heure. Et le dernier type d'entretien, c'est l'entretien qu'on appelle directif, qui celui-là ressemble presque au principe du questionnaire, mais on va vraiment avoir en fait des questions précises que l'on va poser à l'égard en fait de certains thèmes ou sous-thèmes. Dans l'entretien semi-directif, on sait par exemple qu'on aimerait entendre parler du statut professionnel, on aimerait aussi entendre parler de l'utilisation du web par notre interviewé, le journaliste. On aimerait entendre parler peut-être de ses relations avec ses collègues, comment ses collègues l'appellent, etc., ou comment il signe ses articles. Mais on ne définit pas nécessairement cinq questions par sous-thème, etc. Dans l'entretien directif, on va avoir prévu pratiquement toutes les questions. Donc autrement dit, ça, on est beaucoup plus proche en fait de l'outil du questionnaire que l'on verra avec Marc notamment dans quelques semaines. Donc comme vous le voyez en fait, ces trois types d'entretiens-là, ils comportent des questions qui sont plus ou moins ouvertes. C'est-à-dire que dans un cas, dans le premier par exemple, on va vous dire ben, « voilà, je travaille sur tel thème, j'aimerais vous entendre à propos de... » et on relance le thème. Donc on reste vraiment très ouvert, ou on va dire « qu'en pensez-vous » ou « selon vous », etc. Mais on est vraiment dans des questions ouvertes, donc qui n'incluent pas une réponse de type « oui » ou « non ». Plus on va vers du directif, plus on est dans des questions qui sont axées sur le « pourquoi » ou sur le « oui » ou « plus proche d'un « oui » ou « non ». Dans les deux premiers cas, on est plutôt axé sur du « comment ». On veut que la personne décrive, nous décrive ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle se représente, comment elle agit, etc. Donc il y a, comme Sylvie le disait, des avantages et des inconvénients à cet entretien-là, qui sont d'une part que les avantages, c'est qu'on peut adapter vraiment le choix de la méthode à l'objet, c'est-à-dire que selon ce qu'on veut savoir, on peut vraiment modeler le type de question que l'on veut poser ou le thème que l'on veut aborder, etc. On peut également adapter le choix de la méthode au type d'analyse que l'on veut faire. Est-ce qu'après ça, on veut faire une analyse de contenu et calculer des pourcentages de personnes qui nous parlent qui ont sur leur feuille de paye le statut de web journaliste, ou est-ce qu'au contraire, on veut juste regarder la manière dont ils réagissent quand on pose cette question-là. Donc, on a ces avantages-là qui font que donc, l'entretien est un outil souple. L'inconvénient, on y reviendra après, c'est que c'est un outil qui prend du temps, temps de préparation, temps de réalisation et temps de, d'utilisation par après. Donc, c'est un inconvénient, c'est relatif, tous les outils, toutes les méthodes en ont. Mais ceci dit, ça veut dire que quand vous utilisez des entretiens, vous devez tenir compte de ça dans votre planification des étapes de recherche. Et comme Sylvie l'a mentionné, on est dans une situation d'interaction, d'influence réciproque, ce qui fait que c'est très riche parce que vous avez beaucoup d'indices qui vous parviennent de la part des enquêtés, ce qui fait aussi qu'il y a des possibilités donc, d'inter-influence ou d'interdépendance qui peuvent se créer. Alors, quand on mène des entretiens, à la différence par exemple de sondage où l'on va systématiquement interroger toutes les personnes qui sortent de la salle, ici par exemple, pour avoir leur réaction sur le cours, etc. Ici, on va procéder à un choix qui est essentiellement raisonné des personnes que l'on veut interviewer. Là encore, selon nos objectifs de recherche, on va se poser la question de est-ce qu'il vaut mieux que j'aille interroger des personnes qui habitent dans telle région, des personnes qui ont plutôt tel âge, des personnes qui exercent tel métier, qui fréquentent tel lieu, etc., etc. Et on va en fait donc faire des choix stratégiques en fonction du type d'information que l'on veut obtenir, en essayant d'avoir une diversité de personnes qui nous permettent en fait de répondre aux différentes dimensions des questions. Donc soit par exemple on va vouloir avoir des gens de différentes générations, soit au contraire on va se dire ben non moi je préfère avoir des gens qui sont tous nés telle année, mais qui habitent dans différentes régions, etc. Mais donc on va en fait raisonner sur ces critères-là. Donc souvent lorsqu'on mène des entretiens, on utilise donc une forme d'échantillonnage en fait, un choix des interviewés qui est dit de type raisonné, où on passe encore par la technique boule de neige, c'est-à-dire on interviewe une première personne et on demande à cette personne-là, ben, est-ce que vous avez, en fait, soit on demande, soit même souvent la personne pendant l'entretien vous dit, ce serait bien que vous alliez interroger mon collègue ou telle autre personne, parce que ça pourrait l'intéresser, il pourrait être intéressant pour vous. Donc en fait, en gros, on va de proche en proche et ce sont les interviewés souvent qui nous amènent à rencontrer d'autres interviewés potentiels. Ce que l'on cherche dans nos choix de répondants ou d'enquêtés, c'est d'avoir des personnes qui sont significatives pour nos objectifs de recherche. Comme on verra dans des techniques quantitatives, quand on est dans du quantitatif, quand on veut mesurer, on cherche à avoir des échantillons qui sont représentatifs. Si dans la population de la Belgique, il y a 20% de filles de 18 à 20 ans qui sont blondes naturelles, vous devez, par exemple, essayer de vous avoir un échantillon de représentatif, en fait, que sur les 100 personnes que vous interrogez, il y ait 20 personnes qui soient dans ce cas-là. Donc vous devez en fait représenter à une échelle plus restreinte la réalité telle qu'elle existe. Quand on est dans du qualitatif, dans des entretiens, on n'est pas du tout dans cette préoccupation-là. On veut choisir des gens qui sont significatifs, donc qui sont importants, pertinents par rapport à nos objectifs de recherche. Donc les côtés pourcentage, représentatif, etc., on laisse de côté. Pensez que dans les justifications que vous aurez à donner, notamment dans vos TPM ou dans vos mémoires, vous devez donc parler de significatif et non de représentatif. Ce sur quoi on fonctionne, c'est le principe de saturation. C'est ce qui va donner en fait le nombre d'interviewés qu'on va interroger. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, vous allez rencontrer des personnes qui sont très intéressantes, qui ont des choses à vous dire, sauf qu'elles vont commencer à dire un peu toutes les mêmes choses. Pourtant, elles ne se connaissent pas forcément, elles ont eu des expériences différentes, etc. Sauf que vont arriver des redondances parce que vous allez commencer à avoir un peu épuisé votre sujet. Dans le sens où finalement, vous commencez à avoir fait un peu le tour des caractéristiques du phénomène de communication que vous voulez étudier. Généralement, on dit, tout à l'heure Sylvie parlait d'une trentaine de personnes, une trentaine d'interviews réalisées, c'est déjà une très bonne recherche qualitative en termes de nombre d'entretiens. Donc, ne partez pas, si vous avez en tête de faire des entretiens, ne partez pas avec des objectifs d'en avoir 50 ou 60, surtout pas dans le cadre d'un mémoire. On est plutôt dans l'ordre de 15, 20, 30, c'est vraiment très très très bien. Mais si vous êtes à 15 ou 20, vous pouvez avoir des résultats vraiment déjà très intéressants. Parfois même un peu moins suffit si c'est des personnes clés, parce que j'en sais rien, vous travaillez sur les stratégies de communication à l'OTAN, et qu'à ce moment-là, il vaut mieux que vous ayez deux personnes qui sont membres du service de communication à l'OTAN même, que plein d'autres personnes en communication qui travaillent des fois avec elles, mais qui ne sont pas directement impliquées. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des entretiens collectifs ou pas ? Alors, les entretiens collectifs, on va y venir à la fin de la deuxième heure, et on va faire une pause maintenant. Oui, vous pouvez en avoir, c'est ce qu'on appelle les focus groupes ou entretiens de groupe, dans lesquels on reprend certains des principes de l'entretien, mais effectivement, il y a des dynamiques croisées qui vont permettre justement des fois de créer des symbioses ou de nuancer des choses, parce que les personnes en fait vont élaborer des interactions sociales plus complexes. Mais oui, ça se peut. Je complète un petit peu la réponse. Donc la question était, est-ce qu'on peut avoir des entretiens collectifs à côté des focus groups, parce que le focus group c'est vraiment une méthode en soi qu'on organise par rapport à une question de recherche et des objectifs particuliers. Il arrive qu'on mène finalement, on envisage de mener un entretien en face à face et qu'on se retrouve avec deux ou trois interlocuteurs. Pourquoi ? Parce que Monsieur X du service Y en a parlé à son collègue qui s'est montré très intéressé. Et alors vous arrivez, Monsieur X vous dit, ça vous dérange si mon collègue vient aussi ? Et vous vous dites, non, si ça l'intéresse, tant mieux. Et c'est vrai qu'on est parfois un petit peu déstabilisé, mais pas longtemps, parce que, voilà, du coup, ça arrive qu'on mène un entretien avec deux personnes, mais du coup, ces deux personnes sont aussi amenées à confronter leur point de vue, et souvent, ça amène d'autant plus de richesse. Ces trucs-là, d'échantillons, de choisir, les interviewer, etc., c'est ce qui va vous aider à préparer le recrutement, c'est-à-dire d'une part à avoir choisi qui on cible, d'autre part à avoir affiné ses objectifs de recherche et, comme on va le voir après, à se poser des questions aussi du cadre éthique dans lequel on va se placer en fonction du sujet plus ou moins sensible que l'on a abordé. Alors on va prendre la pause maintenant. 5-10 minutes, 10 max, mais pas plus, et on reprend.